Mesdames, messieurs, bonjour et soyez les bienvenus à l'écoute de votre programme Témoignage et Vie. Témoignage et Vie est une émission d'évangélisation qui revient sur les témoignages de conversion des hommes et des femmes qui ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ parle au travers des hommes et, pour le cas d'espèce, il a appelé son serviteur, le docteur Tchala Essomba, à l'effet de faire de plusieurs personnes des enfants de Dieu. Et ce jour, nous irons à la rencontre d'un qui a été sauvé par l'évangile que prêche le docteur Tchala Essomba. C'est l'ancien Angoula François qui nous reçoit ici, dans sa résidence au quartier Columbia, ici à Yaoundé, au Cameroun. Bonjour, bienvenue à Albert Salomon Cap. Merci Ancien Angoula de nous recevoir chez vous et de recevoir toute l'équipe de Témoignage et Vie. D'accord. Bien. Vous pouvez vous installer. Hein? Merci bien. Ok. Alors, l'histoire des Africains est assez liée avec les religions anciennes. Et la plupart d'entre nous, nous sommes nés dans ces familles où nous connaissions une église parce que papa y allait, maman y allait. Est-ce que vous également, c'est dans cette même logique que vous avez grandi et dans la même vague que vous avez surfé en Sierra Leone? Naturellement, comme vous le soulignez si bien, nous avons suivi la religion de nos parents. Mmh. Concerne particulièrement, mm-hmm. il s'agissait là de la religion catholique. Mm-hmm. Papa et maman ont été tous des catholiques. Nous, les enfants qui sont arrivés par la suite, on a rejoint la même religion que nos parents. Mm-hmm. Et il a fallu que nous grandissions pour que ce qui me concerne particulièrement, oui, que je me démarque, mm-hmm. et penser qu'il pouvait avoir mieux que ce que les parents nous ont légué. Mm-hmm. Voilà. Alors, j'ai peut-être un peu fait un saut en avant, mais parlons un peu, si vous le permettez, Ancien Angoula, revenons un peu sur l'enfance et puis l'adolescence. De l'ancien que vous êtes. Comment est-ce que ça se passe à cette époque-là? Comment vous grandissez, vous naissez, vous tombez sur des parents qui sont, n'ayons pas peur des mots, religieux. Comment vous grandissez dans cet environnement à cette époque-là? Là, vous m'amenez à faire un peu l'histoire de ma famille. Effectivement. Je vous dirais, j'ai connu une enfance assez particulière. Mm-hmm. Ma mère et mon père, au départ, n'étaient pas mariés officiellement. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous parler un peu de leur réunion. Mm-hmm. Comment nous sommes venus au monde. Vous savez, à l'époque, les mariages étaient généralement polygamiques. Voilà ma grand-mère maternelle qui est allé en mariage dans un village. Et dans ce village, il va faire beaucoup d'enfants. Mmh. Elle va faire beaucoup d'enfants, tant pour moi. Parmi ses enfants, ma mère. Et quand ma grand-mère vient en mariage dans ce village, il se trouve que son mari avait déjà d'autres femmes, dont elle est comme troisième femme. Et le fils aîné à la première femme de mon grand-père paternel. Oui. Maternel. Vous me suivez bien? Je vous suis très bien. Le fils aîné de mon grand-père maternel va donc faire venir son cousin du côté maternelle, mm-hmm. Vous voyez, là, il n'y a pas parenté entre ce cousin-là et ma mère. Effectivement. Et quand ce cousin-là arrive chez son grand cousin, qui est mon oncle maternel, oui. Vous savez, dans la légende des enfants, il se trouve que ma mère commençait déjà à être femme. Mmh. Il va tomber sur ma mère. Mmh. Et là, mon grand frère est mis. Il va récidiver, moi aussi. Je n'ai. Mmh. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et il n'y a pas eu mariage. Mmh. Il est parti, il nous a laissé là avec notre maman. Il s'est même marié ailleurs. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce que plus tard, je ne sais pas, à cette époque-là, tout païen que nous étions, hein, c'est notre grand-mère maternelle qui nous conduit d'abord à la religion. Oui. Bon, quand nous y allions, et je vais vous rappeler quelque chose. Dans mon acte de naissance de cette époque-là, c'était écrit père inconnu. Alors qu'il était bien connu. Il l'amenait de même pour mon grand frère. Mm-hmm. Parce que le papa biologique ne nous a pas connu. Nous sommes restés comme ça pendant un certain nombre d'années. Mm-hmm. Mais la grâce, même comme nous ne connaissions pas encore le Seigneur, mm-hmm. il était grâce à qui il veut. La grâce de Dieu était que nous étions suffisamment brillants à l'école. Et voilà les amis de notre père qui sont allés lui dire que les enfants que tu as fait là-bas, ces enfants-là ne les négligent pas. Ils sont bien. Va récupérer tes enfants. Et chaque fois comme j'étais, je dirais même le facsimilé de mon père, il y avait une ressemblance nette. Au point que je rentre de l'école, je rencontre quelqu'un, il me pose la question, est-ce que tu n'es pas le fils de Zédénis, c'était le nom de mon frère père. Oui. Je suis sorte. On me l'avait déjà appris qu'il était mon père. Ah, j'ai dit, oui, c'est mon père. Comment? Le monsieur s'étonne. Vous vous ressemblez de manière très nette. Je dis, ok, c'est mon père. Mais je ne vivais pas cet amour paternel. À un moment donné, bon, maman. Elle était encore jeune fille, elle a même fait d'autres enfants après nous les aînés. Mm-hmm. Et c'est comme ça, je crois que je passais en classe de 5e. Mon père est arrivé, il dit, je veux reconnaître mes enfants. Je viens chercher mes enfants. Les oncles maternels lui ont dit, mais monsieur Zé, vous voulez seulement prendre les enfants et la femme. C'est en ce moment-là qu'il a pris la résolution de prendre non seulement les enfants, mais aussi la maman. Mm-hmm. Il est revenu, donc, je dirais, doter ma mère en ma présence. Oui. J'avais à peine 15 ans, je passe en classe de 5e. C'est assez particulier, ça. Oui. Et entre-temps, les femmes que mon père avait prises, parce que lui aussi, là où il est parti, il était polygame. Effectivement. Il avait déjà deux femmes. Mm-hmm. Toutes ces femmes-là étaient déjà parties. Et quand je suis déjà au collège, on me fait comprendre que ton père ne vit que dans les bistrots. Parce que c'était vraiment son point fort pour prendre de l'alcool. Mm-hmm. Alors j'ai commencé à chercher mon père. Je vous dis que c'est moi qui suis allé auprès de ma mère pour dire à ma mère que mais comment mon père vit très mal, il est malheureux. Est-ce que toi tu ne peux pas rentrer être sa femme? Je vous dis que j'étais en classe de 5e, j'ai dit ça à ma mère. Ma mère m'a regardé parce que j'ai commencé à dire que maman, quand tu prépares, de moi je pars donner à mon père Angèle. Ah oui. Maman a accepté, elle prépare, elle fait un paquet, je prends ça, je pars donner à mon père parce qu'il n'avait pas de femme à la maison. Mmh. Il part au travail, il rentre. Bon, quand il rentre, il dépose ce qu'il a déposé. Il ressort pour boire et il revient à la maison autour de 22h, 23h. Il dort et quand il a soupe, le lendemain, il reprend la même chose. Cette situation-là me faisait mal. Et c'est comme ça que mon père décide de venir nous récupérer. Mmh. Et ma mère également. Il vient donc. Mais là, c'était ce que moi j'avais dit. Il était enfant. toujours dans le foyer conjugal. C'est comme ça que... Je vous dis, vous ne pouvez pas imaginer la satisfaction que j'avais à ce moment-là, que je vois mon père, je vois ma mère. Et nous sommes là. Malheureusement, cette union-là n'a pas beaucoup duré. Pourquoi ? Parce que mon père est décédé quelques années plus tard. À moins de 50 ans, il avait à peine 49 ans. Il est décédé. Et on avait su les circonstances. Il était malade, c'est tout ce qu'on peut savoir. Donc, on a été pendant un mois au CHU ici à Yaoundé. Et par la suite, il a rendu là. Bon, une fois décidé, nous sommes restés avec notre maman. On a continué à persévérer dans l'église catholique. Nous y allons, comme tout le monde. Mais, chemin faisant, je me suis rendu compte que dans cette façon de servir Dieu, de chercher Dieu, on n'était pas très regardant sur certains domaines, tels que le péché. Et quand je parle du péché, la fornication, je voyais des grands gens qui vivaient avec des femmes sans être mariés, qui faisaient des enfants. Et nous-mêmes, quand nous atteignons l'adolescence, personne ne vous réprimandait lorsque vous amenez une copine déjà à 20 ans. On ne se pose pas de questions. On trouve que c'était normal. Parce qu'on dit que oui, c'est comme ça qu'un garçon doit s'affirmer. Or, c'est étant devenu enfant de Dieu que j'ai compris que c'était de la suie et tout ça. C'était pas normal. C'est des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Vous avez dit tout à l'heure que l'une des choses qui vous a marqué, et ça, de façon négative, c'est l'absence d'attention qu'on marquait sur le péché. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler à cette époque du péché originel? Même pas celui-là, non. Qui pouvait vous parler du péché originel dans la religion? Personne ne pouvait vous parler du péché originel. Nous, tout ce que nous savions, et pour moi, dans mon enfance, le plus grand péché était... parce que le chef catéchiste nous enseignait ça, c'était tu ne tueras point. Ah. C'était tout. Et peut-être à la limite, ne fais pas l'impudicité. Oui. C'était le sixième commandement, quelque chose comme ça. Oui. Quand nous entrions à l'école, je ne sais pas comment on pouvait appeler ça, à un certain enseignement pour, n'est-ce pas, prendre la première communion. Oui. Oui. C'est ce qu'on nous enseigne. Alors, et dans ces conditions anciennes, est-ce que vous avez la conviction d'être en paix avec Dieu? Est-ce que vous avez la conviction que Dieu vous connaissait et que Dieu connaissait votre famille? En réalité, tout enfant que j'étais, moi je pensais qu'on était avec Dieu. J'avais cette conviction. Pourquoi? Parce que je n'avais pas un autre enseignement mieux que celui-là. Je me disais qu'on est avec Dieu et tout ce qui pouvait arriver, on pensait que c'était justement la volonté de Dieu. Oui. Par exemple, le décès de mon papa à 49 ans, ça ne s'expliquait pas. C'est tôt, c'est précoce. Bon, on nous a endormis, c'était la volonté de Dieu. Vous savez, là-bas, Dieu a donné et Dieu a repris. Bon, on a accepté ça comme ça. C'est aujourd'hui que j'ai réalisé que mon père n'était pas dans la volonté de Dieu. Il est mort, à coup sûr, conduit en enfer, parce qu'il n'a fait pas comme Christ. Il n'a pas été né de nouveau, comme moi je le suis aujourd'hui. C'est le regret que je peux exprimer à ce niveau, qu'il soit parti comme ça. Et même ceux qui sont restés autour de moi, peut-être que je vais déjà un peu plus vite. Tout à l'heure, nous allons en parler. Voilà. Alors, je rappelle que vous êtes à l'écoute du programme Témoignage et Vie, une émission qui est diffusée par le Temple des Nations du ministère Vaïra-Compte International depuis le Cameroun, mais que vous regardez certainement en ligne. C'est une émission qui revient sur le témoignage de conversion des hommes et des femmes qui sont passés de la puissance des ténèbres à la lumière au moyen de la conversion en Christ. Et dans le cadre de ce programme de ce jour, nous recevons l'ancien Angola converti à Christ par l'évangile du docteur Tchala Essoba. Alors, ancien Angola, je le disais tout à l'heure, dans le cadre de ce programme, et nous avons abordé déjà l'histoire de votre famille, je vous ai posé la question de savoir si vous avez entendu parler du péché originel. Vous m'avez dit non, dans la religion, personne ne parlait de ça. Alors, finalement, qu'est-ce qui va vous démarquer, vous, des autres membres de la famille? Parce que je suppose que peut-être vous êtes le premier, finalement, qui a fait la rencontre avec Christ. Qu'est-ce qui va vous démarquer, finalement, des autres? Je crois que avant de répondre exactement à cette question, je vais revenir sur la religion un petit peu. Allez-y, ça vous libre. Pour vous dire que en évoluant donc dans la religion, j'étais un garçon très très très remarqué, au point que j'étais devenu lecteur tout jeune que j'étais. Je crois que j'avais à 18 ans, j'étais lecteur dans une paroisse catholique. Ici à Yaoundé ? Ici à Yaoundé. J'étais un grand lecteur en langue Ewondo. En plus. Voilà. Et j'étais très affermé. J'étais là et tout le monde m'admirait. Je pensais que j'étais effectivement dans la voie du Seigneur. Malheureusement, les choses qui m'arrivaient était un peu paradoxal par rapport à mes pensées. Lesquelles, par exemple, vous allez nous en dire tout à l'heure? Je vous rappelle que j'ai fait l'examen de probatoire trois fois avant de l'avoir. Pourtant, j'étais brillant à l'école. Et ce n'était pas facile du tout de comprendre que, en dehors, n'est-ce pas, du fait que, qu'est-ce que j'allais dire, en dehors du fait que je sois, n'est-ce pas, dans des conditions qui n'étaient pas à ma foi idoines, pour, n'est-ce pas, étudier, c'est d'autant plus que mon père était déjà décédé, mais aussi il y avait une espèce de blocage. Et ceci ne s'est pas seulement manifesté à mon niveau, même mon aîné a subi le même sort. Aujourd'hui, administrateur civil principal, soit dit en passant, nous avons subi le même sort, mais comme la parole de Dieu est si claire, bon, il fait grâce à qui il veut, bon, à un moment donné, nous avons pu avancer, pu briser le Rubicon et on a avancé. Oui. Mais là, c'était pas facile, c'était pas du tout aisé. Sur le plan même de la santé, nous avons été, moi particulièrement, de temps en temps malade. De temps en temps malade. Et vous savez, vous voyez, ce que j'ai dit, que la religion nous a amené, nous a pas montré que Jésus peut tout. Nous allons à la religion, mais paradoxalement, il y a également le marabout que la famille pouvait consulter pour la famille. Et vous avez vécu ça? Naturellement. Comment est-ce que je ne pouvais pas vivre cela? Étant affermé comme lecteur à la paroisse, comment est-ce que je trouvais ça normal? Je trouvais ça normal. On dit, oh non, c'est Dieu qui a donné également le pouvoir à ces gens-là, soit de soigner, soit de faire ceci, de faire cela. Bon, on a vécu tout ça. Tout ça. Pendant toutes ces années, de notre enfance jusqu'à la grande adolescence, jusqu'au moment même où il fallait déjà entrer dans la vie active. Oui. On a vécu toutes ces choses. Il y a eu un phénomène. C'est-à-dire, passer de l'étape d'enfance à l'étape de maturité. Oui. C'est là où j'ai constaté, je le dis maintenant aujourd'hui parce que je suis né de nouveau, parce que j'ai suivi un certain nombre d'enseignements, que j'ai compris que c'était le moment où, n'est-ce pas, les choses qui ont été dites en ma défaveur devaient se déclencher. Oui. Vous savez, la coutume a l'habitude de déclarer que, oh, si on était si mauvais, si on était si sorcier, pourquoi est-ce qu'on ne t'a pas mangé lorsque vous étiez petit? Mais quand même, quand vous élevez les poules là, vous allez dans votre poulailler, vous n'allez pas quand même manger les poussins. Non. Vous attendez le moment favorable quand cette volaille a grandi. Effectivement. Et déjà à maturité. C'est en ce moment-là qu'on va la chercher et manger. Donc là, ces parents qui évoquaient cette manière de se défendre n'étaient pas, n'est-ce pas, n'avaient pas du tout raison. Moi, en ce moment-là, je pensais que c'était normal de vivre ces choses. Que c'est Dieu même qui permet que nous vivions. Qu'on soit bloqué, quand on soit bloqué au niveau de l'examen, qu'on fasse un examen trois fois, qu'on soit tout le temps malade. Voilà. À un moment donné, moi, j'ai dit que mais Dieu est-il injuste? Dieu est-il injuste? À qui fait-il grâce finalement? J'ai compris que il y a quelque chose qui n'allait pas, qui n'allait vraiment pas. C'est comme ça. Mais on faisait, je n'avais pas d'autre alternative. Effectivement. Je ne savais pas où aller. Bon, je continuais toujours dans l'église catholique. Et c'est comme ça que je grandis. J'entre dans la vie active. Après ma formation à l'école nationale supérieure des sciences et des communications. Vous n'avez pas eu de difficulté à entrer à l'école À un moment donné, les choses allaient comme sous les roulettes. Je ne sais pas. Peut-être que la famille dirait. C'est celui qui est venu nous laver à la maison parce qu'il y avait ces choses-là. Oui. Or, moi, je crois que c'est le Seigneur, dans son point, riait un peu que, voilà, mes enfants, ils pensent que... Mais comme lui, il avait déjà le plan merveilleux pour moi, il dit, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Effectivement. Voilà. Il savait qu'il a établi des projets merveilleux pour moi. Il savait que je devais le servir. Je devais être dans sa maison. Je devais être le serviteur de son serviteur. Amen. Bon, je crois que Dieu avait déjà souffert. C'est maintenant que je comprends toutes ces choses. Parce que je me pose par rapport à ce que comment j'ai pu faire pour partir de là où j'étais et arriver où je suis aujourd'hui. Ce n'était pas du tout facile. Quand j'entre dans la vie active comme responsable d'une structure de l'État, dans une banlieue de Yaoundé, c'est là-bas qu'on m'avait affecté. Je commence donc à vivre effectivement les persécutions, n'est-ce pas, de la famille, sans le savoir. Moi, je trouvais tout ça tout à fait normal. Tout à fait normal. Je me rends compte que j'entreprends quelque chose. Ça ne marche pas. Je vais même vous dire que j'ai fait un premier mariage et j'ai compris que ce mariage a échoué à cause de tous ces problèmes de sorcellerie. Parce qu'il faut dire ça. Appelons le chacha. Voilà. Ce mariage. Pour cette union, j'ai eu deux enfants, une fille et un garçon. Ils sont restés avec moi, la famille est partie. Bien. Tout ça, je trouvais toujours normal. Tout est normal. Et j'ai dit que, vous voyez, vous vous mariez, la famille s'est mise au courant de votre foyer. C'était vraiment difficile. C'était difficile. La famille qui veut gérer, n'est-ce pas, vos revenus, vous voyez, ça ne peut pas aller pour quelqu'un. Quand vous n'avez pas Christ, vous ne pouvez pas vraiment vous en sortir. Je ne ressemblais à rien du tout. Malgré les moyens qui étaient quand même assez substantiels pour moi, c'était beaucoup. Mais je ne réussissais pas à réaliser quoi que ce soit. Qu'est-ce que je peux encore dire par rapport à ces débuts dans ma vie professionnelle? Sur le plan professionnel, ça marchait, ça avait l'air de marcher, mais il a fallu attendre un certain temps T où le diable s'est levé complètement dans ma vie. Parlez-moi un peu de cette phase de votre vie où véritablement vous êtes conscient à partir de cet instant-là que, alors là, le diable s'est totalement levé. Maintenant, ce n'est plus normal, parce que jusqu'ici, vous trouviez des choses normales, mais à partir de ce temps-là, vous commencez à sentir la main puissante des ennemis. C'est là où j'en venais, Albert. Allez-y. Qu'est-ce qui se passe? Je suis à nouveau affecté quelque part. Vous voyez, ces histoires des réunions de famille, là. J'ai adhéré une... Parmi les nombreuses réunions de famille, j'étais membre du bureau même d'une certaine grande réunion. Et c'est moi qui devais recevoir, n'est-ce pas, les membres de la famille Chou. Ils sont arrivés chez moi et je n'étais pas à Yaoundé, j'étais dans une ville hors de... une ville à une centaine de kilomètres de Yaoundé. Ils sont arrivés chez moi, beaucoup de membres de ma famille. Ils étaient étonnés de voir comment j'étais bien installé, comment j'étais bien accueilli. Je vous rappelle que moi, je trouvais tout bien, bien vu mes frères, mes cousins, mes parents, tout le monde. C'est la famille pour c'est vous. C'est la famille. Je vous dis jour pour jour, deux semaines plus tard, je suis victime d'un braquage. C'est là où je vais un peu ouvrir les yeux. À peine je reçois les membres de ma famille, deux semaines après, on vient me braquer dans mon service. Et... on me met en prison. Parce que le procureur a signé tout de suite un mandat de dépôt, estimant que c'est une simulation de braquage, il n'y a pas de braquage. Pourtant, il y a le braquage. On m'a lié, on m'a ligoté, on m'a baïonné. Et les gars ont pris tout ce que j'avais dans mon coffre-manche. Il n'y avait pas grand-chose à ce moment-là. Moi-même, je ne pensais pas qu'on pouvait m'inquiéter pour autant. Parce que je me reprochais de rien du tout. Bon, ma paye, je ne vais pas vous cacher, le montant, c'était 15 750 000 francs. Nous sommes en quelle année là? Nous sommes en 2001. 2001. Et quand on me prend cet argent, quelques jours après, le procureur décide de me placer sous mandat de dépôt. Je descends en prison. Pendant 9 mois et demi, je suis resté incarcéré. Je suis resté en détention. Et c'était à la faveur d'une autre décision de justice, signée cette fois-là par la cour d'appel de Yaoundé, qui m'a mis en liberté provisoire. Parce que pendant les 9 mois et demi, on ne me jugeait pas. Le procureur général estime que c'est anormal qu'on me tienne comme ça sans me juger. Bon, il faut que je comparaisse étant libre. C'est ce qui a été fait. À la suite d'une requête que j'ai formulée à son appréciation. Et une fois libéré comme ça, là, de manière provisoire, j'allais de temps en temps aux audiences. Et c'est à la fin. Tout semblait encore se compliquer davantage. Je repars. Ce jour-là, il n'y avait pas d'audience. Mais je suis allé rencontrer le président Je dis, mais cet appel ici même, c'est comment? Voilà ce qui s'était passé. Il m'a dit, petit frère, ton dossier est lourd. Il y a beaucoup de gens derrière ce dossier. Et là, j'ai compris que cette affaire n'est pas simple. Ça, il y a de la sorcellerie dedans. J'ai compris que cette affaire n'est pas simple. Qu'il y a eu quoi? C'est-à-dire qu'on invente des choses de gauche à droite, je ne comprenais plus rien. Alors, si vous réalisez maintenant que le sorcier peut œuvrer pour qu'on vous mette en prison et vous perdez votre travail? Tout à fait, tout à fait. Parce qu'ils ont tout mis en marche pour que je sois complètement anéanti. Mm-hmm. Et je n'avais pas de pouvoir. Je crois que dans mon état de païen à l'époque, mm-hmm. la main de Dieu était sur moi. Parce que quand je repars rencontrer ce président du tribunal, il me dit, tout ce que je peux faire pour vous, M. Angoula, c'est vous dire de ne pas venir au tribunal demain. C'est le jour-là qu'on rendait le verdict. Mm-hmm. Il me dit de ne pas être là parce qu'on va me... Il m'a même donné la sentence. Vous voyez un président du tribunal vous dire d'avance qu'on va vous condamner ou peut-être on va vous dire qu'on va vous relaxer, ne vous en faites pas. Mais on va vous condamner à 11 ans. Il avait déjà son verdict. Mais il ne vient pas. C'est comme ça que je rentre chez moi. J'informe ma femme de ce qui était chez moi à cet instant-là, notamment ma mère, qui était venue nous rendre visite. Et j'ai attendu le lendemain. Vous comprenez que cette nuit-là, je n'ai même pas fait. Ah oui, ça se passe. Le lendemain, autour de midi, là, j'appelle. Je dis que certainement que l'audience a déjà eu lieu. On me fait comprendre. Et effectivement, on vous a condamné ici à Condé-les-Bains. Vous êtes où? Je dis que c'est à Yaoundé. Et vous savez, tout de suite, quand on me condamne et je n'étais pas là-bas, le procureur signe quoi? Un mandat d'arrêt. Qu'on envoie partout là où je suis né. Là où je suis censé être, on a envoyé le mandat d'arrêt un peu partout. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'en sortir devant cette situation? J'ai dit à ma femme, voilà les enfants. Voilà, moi, je pars. Je me cherche. Je cherche à fuir la prison. Dans mon esprit, j'ai fui la prison. Mais ce n'était pas ça. La volonté de Dieu, le plan de Dieu. J'ai dit que je fuis. Je pars où? Je n'avais même pas de passeport pour sortir du pays. Mais je me dis qu'en allant au Gabon, je peux, quand même, même sans passeport, je vais aller négocier là-bas. Mm-hmm. Je prends dans mon sac à main, mon sac qui portait quelques effets. Je prends le car là en van pour aller au Gabon. J'arrive à Kiosé le même jour dans la soirée. Je traverse la frontière, j'ai réussi à être dans une petite ville à la frontière, Mayouti, quelque chose comme ça. Je dis, je faisais ce voyage en pleurant. Au cadre de l'administration qui j'étais confus. Qui se retrouve à ce niveau-là. J'ai dit, Albert, j'étais confus. À l'instant-là, j'étais vraiment confus. Je pleurais. J'arrive à ce moment, on me dit, vous avez les papiers, vous avez le laissez-passer tout pour moi. Je n'avais rien. J'ai dit, je n'ai rien. De l'argent, je n'en avais même pas assez pour, n'est-ce pas, essayer de corrompre, n'est-ce pas, les postes de contrôle, les différents postes de contrôle sur mon itinéraire. Arrivé à cet emploi, ils m'ont dit, vous ne pensez pas que, arrivé à Bidam, on va vous prendre, on vous garde d'abord là-bas en cellule. J'ai dit, oh Seigneur, j'ai fui la prison au Cameroun, je viens encore entrer en prison au Gabon. Néanmoins, j'ai plus le courage d'y aller. J'ai dit, j'ai commencé déjà à lire la parole de Dieu. Oui. Parce que pendant les 9 mois de détention, c'est un détail important, oui. Il y a un pasteur du réveil qui venait m'exhorter. Et je l'écoutais très attentivement. Mm-hmm. Et c'est là où j'ai commencé donc à lire la parole, à lire la Bible. Oui. Mais je ne m'étais pas converti, je n'avais pas donné ma vie au Seigneur. Il venait seulement m'exhorter, m'enseigner, m'apprendre à lire la Bible, m'habituer à lire la Bible, mm-hmm. pour me remettre en confiance que tout n'est pas perdu pour moi. Mm-hmm. Voilà tout ce qui pour moi. Et puis, j'ai pris ce courage de dire que tout n'est pas fini pour moi. Mm-hmm. J'ai commencé à lire la Bible. Quand j'arrive donc à cela, on me dit que, oh, bon, quand vous n'avez rien là, sachez que vous ne pouvez pas traverser Bidam. À Bidam, on va vous prendre. il y a un poste de contrôle. Là, c'est là où on fait le tani. Vous n'avez pas de pièces, on vous prend, on vous met en cellule. Peut-être le lendemain, on vous renvoie chez vous, on vous rapatrie chez vous. Je dis, c'est pas possible. Là où je fuis, là, le mandat d'arrêt circule au Cameroun. Si je rentre encore là-bas, je vais se rentrer un jour. En prison? Bon, je suis resté en Mauritanie. J'ai évoqué déjà le Seigneur quand même, le véritable. Ah oui. Et je me faisant donc dans la voiture qui me conduisait à Bita, on allait déjà vers cette barrière de contrôle. Mmh. Il s'est mis à pleuvoir abondamment. Il s'est mis à pleuvoir. Le chauffeur, il se retourne, il me regarde, mais tu as la chance, hein, parce que là, ils vont tous partir. Ils vont tous fuir, ils vont libérer la chaussée comme il pleut abondamment là. J'ai seulement dit que le Seigneur, c'est la petite prière que j'ai dite dans mon cœur. Mmh. Que le Seigneur, regarde, permet que je passe sans qu'on me dérange à cet endroit. Je ne sais pas si j'y arrive en ville. J'ai d'abord vu que, tiens, cette affaire, c'est le Seigneur aussi me connaît. Mmh. J'arrive donc à Bitam. Et là aussi, on dit, je ne pouvais plus continuer parce que je n'avais plus assez d'argent même pour atteindre des projets. Je suis donc bloqué à Bitam. J'ai resté là pendant longtemps. Je me rappelle, c'était bon. Ma femme est même partie de Yaoundé. Elle est venue me retrouver là. J'ai fait 4 mois à Bitam. Vous voyez, quelles conditions pour aller à Libreville? Je n'avais pas d'argent pour continuer jusqu'à Libreville. Allez donc me demander comment j'ai vécu à Bitam. C'est dans la question, comment vous viviez. Un Camerounais que j'ai trouvé là-bas, il était bouché. C'est quelqu'un de la région de la Damawa, à qui je m'étais confié. Il m'a hébergé chez lui pendant les 4 mois. Il me nourrissait, c'est lui qui me donnait à manger. Et en au cas de la fonction publique du Cameroun. Et quand ma femme est arrivée, elle m'a trouvé à Bitam. Ma femme s'est endettée ici au Cameroun, chez le Bouddha. Je lui dis que je me suis arrivé à Bitam. C'est n'est qu'à partir de là que je pourrais faire un effort, amener de l'argent. Je vais chercher à prendre, à continuer ma route, mais je ne peux pas le faire maintenant sans argent. J'ai dit à mon, je vais l'appeler comment, à mon bienfaiteur, j'attends ma femme. Oui, j'ai attendu. J'avais voyagé en décembre. Je l'ai attendu jusqu'au mois de mai de l'année d'après. Au mois d'avril de l'année d'après. Donc à peu près 5 mois. Décembre à avril. Bon. Et quand ma femme arrive, elle m'a mis un peu d'argent. Et cet argent m'a permis. J'avais déjà quelques relations à Adam. Tout gentil que j'étais, oui. J'avais déjà quelques relations là. On m'a fait ce qu'on appelle laisser passer. Oui. Et le reste de l'argent, j'ai acheté le billet d'avion à Bitam. J'ai pris le vol de Bitam pour Libreville. Parce qu'on me disait que la route est très longue et il y a beaucoup de contrôles. Je n'aurais pas autant d'argent pour payer à chaque poste de police. Vous alliez chez qui à Libreville, dans ces endroits-là? Non, c'est de l'aventure. Je n'avais pas de parents à Libreville. Vous dites que je pars chez X ou Y. C'était dur. Mes premiers... Je dirais mes premiers jours à Libreville, ou alors les premiers mois. Je vous dis que j'ai vécu en caverne. Vous savez, avant que les enfants de Dieu ne retrouvent la terre promise, ils sont passés par le désert. Je peux tout simplement vous dire qu'il fut un moment où j'ai passé jour pour jour, j'ai beaucoup, 7 jours, je n'avais rien mis sous la dent. En dehors de l'eau à boire. Je n'étais pas dans le jeu. Les jeunes forcés. Bon, et qu'est-ce que j'ai fait? Moi, qui fais ce que j'étais avant, à Libreville, je suis allé au marché, comme j'étais déjà familier au marché, chercher, n'est-ce pas, de la nourriture dans la poubelle. Je l'ai fait. Je ne peux pas vous le cacher. Je n'avais ri, même pas un radis. Il y a eu un temps comme ça. Je suis allé à Libreville et on est venu déverser les plumes qui étaient déjà à moitié pourries, on ne peut plus les vendre. je suis allé avec mon plastique ramasser cela, couper la partie entièrement pourrie et la petite partie qui restait encore mangeable, je mettais dans mon plastique pour aller cuisiner chez moi. Vous vous rendez compte? Le pain, je ne pouvais pas acheter le pain normalement dans la journée ou à la boutique ou à la boulangerie. J'attendais les ayants vendus très tard dans la soirée. C'était déjà des pains rassis qui étaient destinés normalement à la poubelle. Mm-hmm. Mais on nous les vendait cette fois-là à 25 francs, comme ça là. Mm-hmm. 25, 50 francs, c'est ce que j'achetais pour aller manger. Et je mangeais ce pain avec quoi? Peut-être si j'achetais le sucre de 50 francs. De l'eau et le sucre et le pain. Vous tombez bien les deux. Oui. Mais pendant tout ce temps, je n'ai pas été malade. Dieu vous a préservé. Pendant toutes les années que j'ai passé à l'Ibru, je ne sais pas si j'avais même bu le moins de comprimés. J'avais une santé vraiment parfaite quand j'étais là. Pendant tout ce temps-là. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la main de Dieu était là. Il y avait cette souffrance, mais c'est le chemin par lequel on ne peut pas. La souffrance ne doit pas nous faire, n'est-ce pas, abandonner, n'est-ce pas, le chemin de Dieu. Mm. Oui, ce n'est pas toujours facile. Ne pensez pas qu'on va vous rouler le tapis pour aller vers le bonheur que Christ nous a réservé. Mm. Il dit qu'il y a le bonheur devant toi, mais c'est toi qui dois être le déclencheur même de ton propre bonheur. Il ne faut pas te décourager devant les obstacles. Mm. Ne dit-il pas que vous serez bénis, mais avec des persécutions. Et effectivement, quand ces temps de difficultés arrivent, il faudrait que nous restions attachés à notre Seigneur. Absolument. Et c'est ce que vous avez fait. Et c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je continue de faire. Alors, vous voulez me faire comprendre que le diable peut désorienter la vie d'une personne, la déstabiliser à ce moment. J'ai dit exactement oui, le diable peut le faire. Mais il n'a pas le dernier mot. Amen. Il n'a pas le dernier mot. C'est Christ qui a le dernier mot. Alors, parlez-nous de cette étape donc de Libreville. Dans quelles circonstances, dans quelles conditions vous avez? Bon, j'arrive à Libreville. À Bitam, j'ai pu faire des petites connaissances avec des gens-là. Ils m'ont recommandé un garçon à Libreville. Mm-hmm. On lui a téléphoné. On a demandé à ce garçon de m'accueillir. On lui a seulement donné mon portrait, ce que je portais comme vêtement, la couleur. Bref, on lui a fait mon portrait. Mm-hmm. Le jeune homme, lui aussi, m'a appelé, il m'a dit, moi, je vais t'attendre. Il m'appelle déjà François à 100 et lui, c'est Yves. Mm-hmm. Je m'appelle Yves. Quand tu arrives à l'aéroport, tu vas voir de l'autre côté de la vitrine, je porte un t-shirt vert et un pantalon noir. Je m'appelle Yves, je vais agiter la main comme ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Pendant que je suis au poste de police, à l'aéroport, mm-hmm. on contrôle nos bagages, et j'ai une grâce. Parce qu'en ce moment-là, j'avais déjà acheté quand même la Bible, j'avais oui. ma Bible. Mm-hmm. À peine on ouvre mon sac comme ça, c'était une arme qui me contrôlait. Il a vu la Bible, il dit, ah, vous êtes enfant de Dieu, j'ai seulement dit oui, alors que je n'étais même pas encore. J'aspire. Elle a refait mon sac, elle m'a donné mon sac, allez-y, je n'ai rien payé à l'arrivée. Ça, c'est encore une autre signe. Et c'est Yves là m'a accueilli. Yves et moi, on a fait chez moi ensemble, on est allé chez nous. C'était en 6, on marchait centre de Libreville, machine qu'on appelle mon boîte. Mm-hmm. Ils vendaient les vivres qui venaient du Cameroun en cours. Bon, c'est comme ça qu'il m'a conduit chez nous. C'était un petit frère, il était aussi jeune que vous là. Mm-hmm. Je dis, ouais, ça c'est un enfant, je ne veux pas. Vous voyez. Je lui ai bossé quand même mon histoire. Il m'a confié, à Libreville, il n'avait qu'un studio, hein, il m'a confié sa chambre. Mm-hmm. J'ai trouvé que ce n'était pas très bien, que je n'ai pas envahi cet enfant-là comme ça. Il vendait. Je vous dis qu'à mon arrivée là, je l'ai aidé à faire son marché. J'allais avec lui marcher. Mm-hmm. Je dis que non, ne défie pas mon passé comme je l'ai raconté là. Il me chargeait des avocats dans la boulette, je les vendais au marché. Pas possible ça. Je les vendais, je vendais ces avocats. Le soir, je viens lui verser la recette et il me donne ce qu'il pourrait me donner. Mm-hmm. Je dis non, ce que tu me donnes là, ça va, j'économisais. Parce que lui aussi me donnait à manger. Oui. Mm-hmm. femme va faire la connaissance de l'homme de Dieu ici au Cameroun. Et l'auteur Janet Sopo. L'auteur est venu. Mmh. Nous sommes, je ne vous ai pas situé dans les dates. Oui, nous sommes dans les dates. Nous sommes en 2004, oui. Quand j'arrive à Libreville. 2004, c'était en avril 2004. Je suis à Libreville. Je trouve qu'à cette période-là, exactement, le docteur n'était pas à Libreville. Mais j'ai cherché à tout prix parce qu'on m'avait déjà parlé. Ma femme m'avait déjà envoyé, n'est-ce pas, un numéro de téléphone qu'il a reçu auprès du docteur parce qu'elle est allée pour ses problèmes spirituels, pour nos problèmes. Elle s'était confiée à l'homme de Dieu. Dieu lui a dit, ok, comme ton mari, tu dis qu'il est au Gabon, dès qu'il arrive à Libreville, qu'il cherche à rencontrer le pasteur tel, avec le numéro de téléphone, qu'il vienne de ma part. Ok. Il ne m'a fait pas venir cela. Je suis donc allé à Libreville. J'ai attendu le dimanche, je suis allé, je ne connaissais pas la ville. J'ai demandé à mon garçon là de me conduire. Nous sommes allés là-bas. On a trouvé une église pleine. Ce monsieur, à la sortie du culte, je me suis approché du pasteur. Il m'a reçu, très bien reçu. Vous vous rappelez le nom du pasteur, à l'époque ? Le pasteur que vous avez reçu ? Le pasteur de Libreville. Il m'a bien reçu le jour-là. C'était lui le pasteur principal. Vous demandiez si... Son nom, vous rappelez? C'est le pasteur Alogo. Ah, d'accord. Pierre Alogo. Oui, je connais bien son nom. Je ne sais pas le nom que je peux oublier. Il m'a reçu. Et après m'avoir reçu, il m'a demandé, frère, est-ce que tu es né de nouveau? Je n'ai pas compris la question. Je dis, c'était la première fois que vous attendez le terme. Non, le terme. Est-ce que tu es déjà né de nouveau? Je lui ai dit que je suis chrétien catholique et puis... Et un autre a ajouté, ah, homme de Dieu, il est encore païen. Et ça m'a fait un petit choc là. Oui. Parce que moi, j'en croyais déjà chrétien. Je me dis, homme de Dieu, il est encore païen. Quand il a dit ça, ça m'a fait un choc là. Je dis, ok, lui, il a compris mon problème. Il dit, bon, on va travailler ensemble. Vous devez être là demain matin à l'église. Homme de Dieu. Ok, voilà ta maison. Le docteur t'a envoyé ici parce que c'est le laboratoire. Voilà le terme qu'il avait utilisé. À cette époque. Et tellement la parole était profonde qu'elle m'avait dit, on dirait qu'on a d'abord parlé avec cet homme de Dieu. De ma part. Il m'a remis en confiance. Il m'a remis en confiance à l'époque. Il disait, vous pensez avoir tout perdu, vous n'avez encore rien perdu. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier sur votre vie. Pourquoi vous lamentez? Alors que j'étais vraiment dans les lamentations. Faites confiance en votre Dieu. Cette parole-là m'a pénétré. Et puis, le lendemain, c'était un lundi. C'était pas le grand jour. Je suis allé parce qu'il voulait que je le rencontre le lundi-là. Il m'a vu, on a causé, il m'a dit, bon, il aurait souhaité même m'héberger, mais il n'a pas d'espace. Car cela ne tient que j'ai trouvé un endroit où je peux habiter, moyennant 30 000 francs le mois. Et à Libreville. À Libreville, dès que j'ai pu venir. Bon, quand tu parles d'une chambre de 30 000 francs, il faut aller dans les fonds de quartier là-bas. Hein. Effectivement, à Libreville. j'ai cherché, j'ai trouvé une chambrette entrée couchée avec les quatre murs comme ça. Je vous rappelle que je cherche la chambre comme ça, je n'ai pas de lit, je n'ai pas de matelas. Je suis allé les premiers jours. Heureusement, à ce moment-là, il n'y avait pas de grande pluie en tant que tel. Oui. J'ai étalé les cartons au sol. Je suis allé brûler. Je vous rappelle que je partais de Libreville, j'étais au cadre de l'administration camerounaise. Et quand j'arrive, j'ai étalé les cartons. J'ai commencé. Parce que je ne voulais pas davantage gêner le jeune homme dans sa maison. J'ai donc regagné ma chambre. Et là aussi, avec les enseignements qui commençaient à l'église, que qu'advienne que pourra, je sais que Dieu est avec moi. J'ai commencé à dormir sur les cartons. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma femme, j'ai dit, tu vois, je dors sur les cartons. Mais j'ai ma chambre, je préfère comme ça. J'ai commencé donc à persévérer à l'église, à suivre les enseignements qui vont m'amener au mois de mai à mon baptême. Après, on a commencé à nous enseigner la nouvelle naissance. C'est là où on parlait donc du péché. Comme j'ai d'abord entendu ça là-bas, de la bouche des pasteurs, parce que le docteur n'était pas avec nous en ce moment-là. Dès que on m'a fait accepter le Seigneur, on m'a enseigné pendant, là-bas, ça a quand même mis du temps, hein. Ça n'a pas fait deux jours après. Ça m'a pris près d'un mois. Parce que c'est le 17 mai que le pasteur Alogo a conduit tout ce qui était là au bord de la mer pour me baptiser. Nous sommes demandés de faire baptiser. Alors, est-ce que cette démarche-là, vous m'avez dit cela tout à l'heure, qu'elle vous conforte déjà la parole, est-ce que finalement, vous voyez toujours la peur d'être rattrapé même là-bas à Libreville? On m'a remis en confiance. On m'a remis en confiance. Parce que le pasteur m'avait déjà dit que là où vous êtes là, vous êtes en sécurité. Il n'y a pas meilleure protection que le Seigneur. Amen. Je lui ai fait part que moi, je pensais fuir la prison. Et ce qui va me réconforter, parce que quelques semaines plus tard, le docteur va arriver à Libreville. Voilà. Le docteur arrive à Libreville. Je ne l'avais jamais vu. Je ne l'avais jamais vu. Vous me comprenez? Je vous comprends. Je ne l'avais jamais vu. Je n'avais jamais vu le docteur. Physiquement, je ne le connaissais pas. J'ai seulement vu le nom à Libreville. Les Gabonais le connaissaient même mieux que moi. Qu'est-ce qui se passe? Le jour qu'il est arrivé, moi je n'étais pas au courant. Je vais au culte le plus naturellement possible. Je trouve que l'homme de Dieu est en train de prêcher. Et l'homme de Dieu, on attend l'homme de Dieu. Il y avait une mobilisation. Tout à fait spéciale. Elle était vraiment spéciale. Hors du commun, vraiment. J'ai demandé, on me dit que le docteur arrive aujourd'hui. Ah bon, ok, je vais voir le docteur là aujourd'hui. Je me suis assis. Je me rappelle que le jour-là, la salle était archi-comme. À la limite, j'étais presque à l'extérieur. Donc, je me suis assis. J'étais déjà né de nouveau. Oui. Vous connaissez le zèle des nouveaux chrétiens? Effectivement. Bon, j'étais là, assis. J'attendais l'arrivée de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, il a montré... très ovationné, mais je ne l'ai jamais vu un tel accueil ici au Cameroun, réservé à l'homme de Dieu. Je n'ai jamais vu ça ici. À la limite, on voulait seulement le porter. On dirait qu'il a abandonné tous les autres critiques qui étaient là dans sa poule. Pour parler uniquement de votre vie. Il a parlé. Il y aura des problèmes, mais tu es sûr que Jésus a déjà donné la solution à tous ces problèmes. Voilà pourquoi tu as la paix. Les gens vont t'attaquer en sorcellerie. Tu es sûr que Jésus a déjà donné la solution à ma protection. Je suis déjà protégé. Je vais donc dormir dans la paix. Je ronfle. Si tu as les yeux crevés, tu ne sauras pas que telle ou telle personne fait la sorcellerie dans ma maison parce que tu n'as pas le don de discernement des esprits. Parce que tu as les yeux crevés. Ce soir, je prie le Seigneur qu'il ouvre tes yeux. Là où j'étais, j'avais les larmes aux yeux. Le jour-là, il parlait beaucoup plus. Repentance. Demander de revoir notre vie, comment nous avons marché. Aujourd'hui, dans ce plan, qu'est-ce qui s'est passé? Vous venez d'où? Il a évoqué les parents, il disait que les parents ont fait, il disait que les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Il a évoqué, donc ça veut dire, les dégâts que mes parents ont commis, c'est moi qui paie le prix aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait moi, un innocent? Pourtant, il y a une alternative pour échapper à ça. Il faut, quand on est né de nouveau, ces choses-là ne peuvent plus nous rattraper. Et je me suis dit, ah, si j'étais déjà enfant de Dieu, peut-être ces choses-là n'allaient pas m'arriver. Ok, j'ai écouté ses parents. Après, il a cessé de prêcher. Il a demandé le calme ça. Il a commencé ses délivrances. Il a commencé à profiter. Il a dit, il y a quelqu'un dans la salle. Il n'est pas de ce pays. Voilà le. Il est à quelqu'un. Je crois avoir fui la prison au Cameroun. Il n'a même pas du Cameroun. Je crois avoir fui la prison dans son pays. Tu n'as pas fui la prison. C'est le Seigneur qui t'a appelé ici pour le connaître. Tu es venu à la rencontre du Seigneur. Là où tu es assis, lève-toi et avance. Lève-toi. J'ai dit qu'il ne me connaissait pas. Je ne le connaissais pas. Je me suis levé parce que j'ai senti comme si on me poussait. Lève-toi, je me suis levé. Avec beaucoup d'ampleur. Promptement, je me retrouvais déjà devant. Je me suis mis à genoux. Et la phrase que je n'ai jamais oubliée, que je n'oublierai jamais de ma vie, il a dit, là où tu as été humilié, c'est là où tu seras élevé. Amen. Ces choses-là sont passées. Il m'a appelé, je me suis levé. Quand je partais derrière ma soie, il m'a dit, il faut me voir demain. Alors, lorsque vous allez donc voir le docteur lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Merci à vous. Quand je vais le voir le lendemain, c'était même pas le lendemain, avant que je... Quand il m'a demandé que je le voie au bureau, parce que nous étions un dimanche, dit que je le vois le lendemain, après, il m'a donné... je ne savais pas qu'il avait un colis pour moi venant de ma femme. Parce que ma femme l'avait pris au Cameroun. Il dit, je me vois le lendemain, je l'ai donc vu. Il m'a dit, ah, tu viens à l'hôtel, ça s'appelle comment? Là où il était logé, dans une belle suite. Le nom de la Chablanville. Je crois que c'est le plus grand hôtel de Libreville. Hein. Comment ça s'appelle encore là? Je voulais bien me rappeler du. Me rappeler le nom de cet hôtel. Dans l'hôtel du nom de l'aéroport là. Bon, je suis allé là-bas. J'ai seulement retenu le numéro de la suite jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'était 324 de la suite. Je suis allé là-bas. Continental, voilà, c'est venu. Ouais. Hôtel Continental. Suite 2324, c'est ça. Je suis donc allé. J'ai rencontré l'homme de Dieu. Je suis allé, j'ai sonné. Lui, il était seul dans sa chambre. Il est venu, il m'a dit que j'étais ramené le courrier que ta femme t'a envoyé. Il m'a donné. Et c'est là où j'ai donc eu l'occasion de lui expliquer, raconter, n'est-ce pas, tout ce qui était arrivé. Il m'a dit que tu es au bon endroit. Lui-même, j'ai comme l'impression que quand il prophétisait sur moi, il ne s'est pas rappelé que c'est sur moi qu'il a qu'il avait à l'église. Parce que là, on parlait vraiment à l'hôtel. Mais il m'a rappelé que ces problèmes-là, il faut considérer que c'est déjà fini, le Seigneur a fait le reste. Et quand vous disiez ça, ancien roi, Aoula, vous croyez fermement? Là, j'ai cru. J'ai eu vraiment la foi ferme. Je vais vous dire encore autre chose. Confirme que j'ai eu la foi. J'ai vraiment eu la foi en la parole de l'homme de Dieu. Parce que j'ai cru en ça. Ok, il m'a dit ça. Ça m'a donné à nouveau beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Et j'ai persévéré donc à l'église. J'ai persévéré. J'ai lu tous les courriers que ma femme a envoyé, m'a adressé. Ma femme va délire aussi. Persévéré. avait déjà même accepté Christ, mais malheureusement, elle n'était pas encore née de nouveau. Elle n'avait pas encore pris même le baptême. Moi, j'ai pris le baptême avec ma femme. Pourtant, c'est elle qui m'a dit va voir l'homme de Dieu. Les voix de Dieu sont les sondages. Oui. Bon, quand je reviens donc en quelle année là, avant que je ne revienne, je suis dans ma libre vie, je persévère à l'église où le docteur nous a conseillé de rester. D'ailleurs, je ne sais pas, je vais dire son église, je suis resté là. Sous la conduite des hommes de Dieu qu'il a mis sur place. Et là, il y a eu une nouvelle organisation à Libreville. Le pasteur Morel a été élevé à la tête de l'assemblée là-bas. On a fait une bonne organisation. Et en tout temps, le docteur m'a conduit à l'ONG Action Internationale. Oui. Qui est sa propre création, une grande ONG qui a fait des merveilles à Libreville. Je ne peux vous parler que de Libreville, là où j'étais, là où j'ai vu Action Internationale, vraiment à l'œuvre. On a soigné les malades, on a assisté les enfants dans des écoles. Qu'est-ce qu'on a fait à Libreville avec Action Internationale? On a formé même des gens qui sont devenus des fonctionnaires au Gabon en informatique. J'en connais plusieurs. Vous étiez vraiment dans le bain. J'étais là. Je m'occupais spécialement de l'administration et de l'organisation des finances. J'ai quand même, par mes modestes connaissances, essayé de cadrer certaines choses dans ce dossier. Malheureusement, quand le docteur est rentré, au Cameroun, bon, nous sommes restés, ça a commencé un peu à battre des lèvres, vous voyez, du fait de son absence. C'est comme ça que, avec le président Norbert, le pasteur Norbert, j'ai été élevé également au niveau de l'église à Libreville pour m'occuper des finances de l'église. C'est le même travail que j'ai fait maintenant ici au Cameroun. Soit dit en passage. Oui, je le faisais déjà à Libreville. À la grande satisfaction de tout le corps pastoral là-bas. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, en Sangoula, dites-nous, puisque nous allons compter derrière le temps, les préoccupations liées aux raisons qui vous ont amené à Libreville, est-ce que ça revenait encore de temps en temps dans votre tête, ou bien c'est une nouvelle vie que vous aviez commencé et vous preniez plaisir? Oui. Je ne peux pas dire que j'avais effacé tout ça du réveil de la main, loin de là. J'avais toujours dans mes pensées qu'un jour je vais rentrer. Parce que mon espoir était déjà fondé sur la parole de Dieu qui a dit là où tu as été humilié, c'est au Cameroun que j'ai subi cette humiliation. Bon, forcément, là où je vais être. Parce qu'il faut relever le défi. Notre Dieu, c'est le Dieu qui relève les défis. Parce que la famille, tout le monde savait que c'est fini. Celui-là, il va encore occuper quel poste au Cameroun. Il va encore travailler dans quelle administration au Cameroun. C'était fini. Ma vie devait s'arrêter là. Alors, parlez-nous donc de cette réhabilitation, c'est un boulot. Comment est-ce que ça va se passer? Pendant que je suis à Libreville, j'ai dit d'abord un phénomène. Je me retrouve dans un songe. J'étais vraiment un songe. Je sentais ne pas la nuit. Je m'assoupissais un peu comme ça là où j'habitais. Je vois que j'étais dans un bureau au Cameroun, un bureau au palais de justice. Et la secrétaire vient, elle prend une pile de dossiers comme ça et me dit, monsieur Angoula, voici votre dossier, on vous dérange avec cette affaire alors que vous n'y êtes pour rien. Prenez ça, allez me détruire ça vous-même. Je prends donc ce dossier. Et je sors du bureau, je le découpe en morceaux, et puis je mets à côté des buissons, j'allume. Le ciel est brûlé. Et tout de suite, je me réveille, ça c'est une histoire, ça. J'ai compris avec les anciens, j'ai compris que le Seigneur m'a déjà délivré de cette affaire. Bon, vous savez que le diable ne dort pas. Jamais, la Bible dit qu'il rôde, comme un musicien. Parce que quand on me condamne là, moi, par le canal de mon conseil, j'ai interjecté appel. Mais c'est mon conseil qui suivait, moi je n'étais plus là. Et ma femme également qui était sur place au pays. Il a fait là vraiment mille longs, ça n'avançait même pas. Et ça, je ne sais pas où le dossier s'est égaré, ou c'est comment. On est allé le ressusciter quelque part. Après, on me dit, ah, le dossier est à la cour d'appel. Le dossier à la cour d'appel. Et pendant que je suis toujours à Libreville, effectivement, nous allons déjà. Nous sommes déjà à quelle année là? Je crois que c'était en 2006. En 2006, donc, je suis toujours là-bas. C'est à ce moment-là que un dimanche, le pasteur Norbert prêchait. Il dit, il prêchait sur Hérode qui voulait tuer le petit Jésus. Je crois que c'est dans Matthieu. Alors, Joseph et Marie ont pris le petit Jésus. Ils sont allés en Égypte. Ce sont ces jours là-bas. Alors, après, l'ange est venu parler à Joseph de rentrer à Nazareth parce que ceux qui en voulaient la vie de l'enfant sont déjà morts. Il a prêché sur ça. Moi, j'ai fait de cette prédication ma chose. Parce que lui, j'avais déjà envie de rentrer. Malgré les choses qui s'ouvraient devant moi, vous savez, le diable est malin. Ma famille voulait, au cas où je ne décède pas là-bas, voulait m'éloigner, n'est-ce pas, des affaires de chez moi. Et là-bas, j'avais déposé un dossier dans une compagnie aérienne et on m'a recruté là-bas. J'avais déjà commencé le travail. Nous sommes en début d'année 2006 là. On m'a proposé d'argent. J'ai commencé à travailler. J'ai connu l'Afrique de l'Ouest là parce que je faisais déjà la ligne. De temps en temps la ligne. À un moment donné, j'ai assuré les fonctions de chef d'escale à Libreville. Mais j'ai vu que c'était pas la voie de Dieu. Ça promettait beaucoup de bonheur, mais est-ce que ce bonheur-là, c'était vraiment la voie de Dieu? J'ai analysé. Au même moment, l'homme de Dieu me dit que je suis libéré, je peux rentrer. Mon Israël, c'était ici au Cameroun. Je devais rentrer parce que Hérode est mort. Pour ceux qui en voulaient à ma vie, non plus de pouvoir. C'est à ce moment-là que je me ressaisis. J'ai dit non. Il faut avoir le discernement quand même de Dieu parle. Il est même venu passer devant moi parce que j'ai su aller faire le sacrifice. Pour ça. Le sacrifice. J'ai allé faire le sacrifice pour sceller cette parole. Bien, quelques temps après, j'ai dit à ma femme que j'ai appelé ma femme, je dis que je crois que je dois venir, ce problème est fini. Avec beaucoup de foi. Oui, beaucoup de foi. Parce que je dois rentrer. Ce problème-là n'existait plus. Ma femme est un peu. Peu réticente. C'est fini. Est-ce que. J'ai dit que même si le dossier là pour la première fois, je rentre. Ce problème-là est fini. J'avais tellement confiance au Dieu que j'ai cru. Pour que. Fait ce témoignage-là à Libreville, tout ce qui était arrivé jusqu'au moment de ma conversion, jusqu'au moment où je leur dis au revoir. Tout le monde était content. L'Église m'a dit au revoir. Je suis venu. C'était, je crois que quand je suis arrivé au Cameroun, je suis allé directement dans mon, parce que c'est mon, dans mon ministère. J'arrive, on m'a accueilli, les gens m'ont remplacé. Vous êtes où, monsieur Angoula? Qu'est-ce qui se passe? Le faux aussi là, vous vous appelez. C'est comment? Et entre temps, je n'étais plus connecté au service. Tout le monde a commencé, tout le monde fait ceci, tout le monde a eu des promotions. Je suis resté là où j'étais. On m'a fait reprendre le service. Je suis allé reprendre le service au ministère. Je suis resté au ministère. J'ai donc fait ce qu'on appelle la reconstruction de ma carrière. Parce que ma carrière était gérée de 2001 au moment de mon arrestation. Jusqu'en 2007. Jusqu'en 2007. Vous voyez un peu. Je n'étais pratiquement pas dans le service. J'ai refait ma carrière, j'ai refait avec l'aide des collègues que j'ai trouvés au ministère. On a refait ma carrière. Je vous rappelle qu'on l'a reconstitué, on m'a même fait le rappel pendant tous les mois qui ont été, n'est-ce pas, pendant lesquels une personne a été suspendue. On m'a rappelé tout cela. Et quand on me rappelle tout cet argent, on me remet en fonction. Mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Parce que j'étais en complément d'effectif. À la limite, je n'avais même pas de place assise au ministère. J'y allais quand je voulais. J'y revenais, j'étais là. Je bois, je me dors, je bois, je rentre, je n'avais rien à foutre. Et ça faisait encore mal. Je disais, Dieu a dit qu'il va m'élever là où j'étais humilié. C'est vrai, il a commencé. Je n'avais plus de salaire maintenant. Il y avait un salaire. J'ai déjà mon salaire. Qu'est-ce qui se passe? Je suis resté là. Je suis resté toujours en train de persévérer. Mais à un moment donné, vous savez, les choses ont beaucoup retardé à cause de moi-même. Parce que quand je suis revenu, c'était un peu le moment où le docteur n'était pas au pays. Je me suis dit, mais est-ce que le docteur est là? Il me dit, non, il n'est pas là. Et qu'est-ce que je vais donc aller chercher à Manila? Ils sont en train de d'installer Vaira Contamban. J'y allais dans la foule, je regarde, je vois, je dis que vraiment, le docteur n'est pas ici. Moi, je rentre. Je suis resté un peu en retrait. Et une sœur qui était avec moi à Libreville, avec qui je partageais beaucoup, on a dit, François, tu es où? Au papa a même demandé qu'est-ce que tu es devenu, où est-ce que tu es rentré, est-ce que... Je suis rentré, je suis ici au pays, chez lui, je vais venir. Jusqu'au moment où maman Marie est décédée, oui. Ça m'a fait une chose, ça m'a touché là. Mais je n'avais pas côtoyé le docteur. Pas. Ma femme en est parce qu'elle me dit que si je côtoie, si le docteur me voit face à face, il va me récupérer pour aller travailler à l'église. Je voudrais un peu être libre parce que le travail de là-bas, il n'y a pas de repos. Ah oui. Si le docteur me voit, il va m'amener à aller travailler à l'église parce qu'il sait comment j'allais fonctionner à Libreville au niveau de l'ONG. J'avais donc peur. Là, un peu, j'ai agi comme l'autre là dans la Bible, on parle de qui là qu'on a envoyé. Jonas, justement, merci Abel. J'ai un peu agi comme Jonas. Pourtant, quand je suis rentré de Libreville, je suis allé directement dans mon assemblée. Je suis resté en retrait. Il y a plusieurs personnes qui disent à part me dit que je suis à mon poste, oui. Je ne suis pas resté à mon poste. Je suis resté en retrait. Me contentant de ce que j'avais déjà reçu au niveau de Libreville, et puis je pensais que c'était suffisant, ce n'était pas suffisant. Oh, entre-temps, le Seigneur continue à travailler avec l'homme de Dieu, lui donne de nouvelles révélations, de nouvelles orientations où il devait amener le peuple. C'est donc après le décès de maman Marie que je reviens. Et... pas pour rester, hein. Oui. Je suis venu à cause du deuil. Mm-hmm. Et après le deuil, je me suis accordé. Bref, je suis resté un peu dans la distraction. Oui. Et quand je suis dans la distraction comme ça, c'est pendant ce temps que on m'annonce, on dit maintenant, c'est que, hey, il paraît dans ton village. Le mandat d'arrêt, si on là-bas, le commandant de brigade a ton mandat d'arrêt là-bas. Mais comme j'étais déjà né de nouveau, j'étais avant Dieu, c'est mon petit frère qui vient me dire qu'il y a ton mandat d'arrêt au village. J'ai dit que. Mais je ne sais pas le courage que j'avais, j'ai dit mandat d'arrêt ou mandat d'arrêt, j'annule cela par le sang de Jésus. Ah, je n'irai pas en prison pour des faits que je ne connais pas. Cette page est déjà tournée au nom de Jésus. Il était surpris de m'entendre parler comme ça. Je suis donc allé. Néanmoins, je n'ai pas négligé ce qu'il a dit. Oui. C'est à fait. Il faut que j'aille à un coup d'appel, que je sache exactement ce qui se passe. Mm. C'est comme ça que je vais à la coup d'appel du centre. Je suis allé voir mon avocat, on a trouvé le juge qui nous était coté. Vous savez, dans le monde, vous savez comment ça se passe quand je vous ai parlé. Il faut étouffer le dossier. Dit que je vais rentrer en Égypte pour chercher l'argent. L'argent, le montant qu'il demanda, je ne peux pas l'avoir. Je ne sais pas comment. Dans ma famille, les gens ont su qu'il y a un homme qui crie comme ça. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur aussi m'inspire. J'ai eu tellement une envie de rentrer à l'église. À l'église. C'est comme ça que je me lève, je viens à l'église, je commence à m'asseoir, je me suis assis dans la foule. Mm-hmm. On annonçait déjà le nouveau mariage de papa. J'étais dans la foule. On lançait les travaux là. Je venais travailler. Je poussais la brouette là. Je travaillais sans qu'on me connaisse. Mm-hmm. Parce que j'ai dit que non, il faut que je paye le prix de ma désobéissance. Mm-hmm. Mais je n'avais pas je n'étais pas rapproché d'un homme de Dieu. Mm-hmm. Et quand papa arrive donc, la fête, nous sommes un petit peu avec des petites maladies de temps en temps. Je n'ai pas le temps de rapprocher. Je vous dis, le jour du mariage, je suis là, quand on partait, on le savait déjà, c'était à sa naissance, c'est Dominique. Il m'a vu, papa a souri. Il dit que tu es où? Depuis que je te cherche, il a gardé ma main comme ça pendant un moment de temps. Il m'a dit, je ne veux plus te chercher, mais je suis là. Il dit, papa, je suis là. Et depuis ce jour-là, c'était déjà en 2011. Ça m'a fait mal. J'ai dit, ouais, donc mon père me cherchait. J'ai dit, ok, je suis là. Pendant que je suis dans là, c'est comme ça que lui me rappelle pour confier certaines tâches. Au niveau du ministère. Je commence le travail que je fais depuis 2012 pratiquement, je crois. Ici, déjà en 2012. Fait ce travail jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et pour revenir donc à mon problème. Oui, au niveau de la justice. Oui, pendant que je suis, ben, vous savez, papa n'était pas très stable. Bon, je dis, je vais me confier au passé maintenant. Mm-hmm. J'ai fait mon travail que je faisais. J'ai fait un travail que Dieu seul connaît. Mm-hmm. J'ai venu là comme un vulgaire manœuvre avec les autres. Mm-hmm. Je transportais, on ne me connaissait pas. J'ai travaillé comme ça, j'ai fini de travailler gérant. C'est pendant qu'un jour, autour des 13 heures, on finit de travailler, on se réveille, on donnait ma manger aux manœuvres qui travaillent là-bas. J'ai dit que non, je ne mangeais pas. Bon, la dame n'a pas compris pourquoi. Or, moi, j'avais un programme qui ne me permettait pas de manger à cette heure. Je travaillais, bon, je me suis retiré. Chemin faisant, je reçois un coup de fil. Il m'appelle de mon ministère. Mm-hmm. C'est le représentant du ministère en justice. Je ne sais pas qui lui a donné les coordonnées. il me dit, on va trancher ton affaire et j'ai besoin d'aider pour ton cas. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Il dit que oui, bon, vous verrez demain matin. Je suis allé à la maison. Le lendemain, je suis allé au musée, je suis allé le rencontrer. Il m'a tout dit. Bon, il m'a dit, ce problème, on va le trancher demain. Et que je ne dois plus me quitter. Entre temps, d'autres m'ont intimidé, comme je vous disais, que ce soit un mandat, soit. Quelqu'un m'a demandé 2 millions de francs. Je suis venu, je crois que j'avais partagé ça avec le pasteur Charlie. À peine arrivé, parce que on m'avait confié au pasteur Henri. Le pasteur Henri m'a dit non, va voir le pasteur Charlie. Bon, j'ai commencé à travailler avec le Charlie. Et j'ai été, en ce temps-là, amené à refaire la renaissance, assurer les enseignements, les enseignements pour la renaissance, jusqu'à reprendre mon papier de là-bas au ministère. Et c'est ce que j'ai fait. Au moment où on m'a quitté alors, je vois quelques jours seulement, papa me dit que je vais m'occuper du service des finances au niveau de l'église. J'ai dit, ah, comment on m'a quitté déjà là-bas? Est-ce que ça ne va pas me perturber avec... parce que à ce moment-là, j'étais sûr qu'on devait me déployer à nouveau dans mon service. Qu'est-ce qui se passe? Papa m'a appelé au bout du dit, est-ce que tu te dis, papa, quand tu m'appelles pour l'œuvre de Dieu, je ne réfléchis même pas si j'ai autre chose à faire. Je vais d'abord faire l'œuvre de Dieu parce que je voulais me rattraper, connaissant que j'ai d'abord été... n'est-ce pas, désobéissant, à ne pas intégrer ma maison, aussitôt rentrer, délivrer. Je commence dans l'œuvre là-bas. Je commence à travailler, j'allais pour amener des services. Ça n'a pas mis long. On me nomme alors dans mon ministère. On m'a nommé. Effectivement. À quel poste? Chef de service régional du centre. C'est une élévation. Une élévation. Et je vais vous dire, quand je prends ces fonctions dans la diocèse, c'est justement à ce niveau-là. Le bureau que j'occupe, c'est l'un de mes patrons de l'époque. Et ce bureau, c'est la même fonction que je viens occuper. Vous comprenez? Ah oui. On n'a pas changé de fauteuil jusque-là. Le monsieur, à l'époque, en 2002 ou 2001, quand je venais d'avoir des problèmes, m'avait persécuté. Il avait même fait un rapport au procureur. Je crois que si le procureur avait signé un mandat de dépôt pour moi, contre moi, pour moi, c'est par rapport à son rapport. À son rapport. Il dit que ses chefs même ont dit qu'il a détourné. Ce monsieur-là avait dit ça. Que c'est un coup prémédité. Voilà. Monsieur Angoula avait déjà préparé son coup. Et c'est lui. Et c'est dans le bureau. Même bureau. Même bureau. Et entre-temps, il y a eu un autre qui l'a possédé. Mais il est passé par là, qui l'a remplacé. Et moi, je viens donc remplacer celui-là qui l'avait remplacé à l'époque. Qui était appelé à faire par le j'ai dans ce bureau. Vous voyez, vous faites quand même la connaissance des lieux. En voyant les différents dossiers, je me suis retrouvé sur l'ancien dossier qui me concernait. Pendant que j'avais vu des problèmes ailleurs. Et lui, il était mon chef. J'occupe la même position aujourd'hui. J'ai vu ça. Je me suis mis ce moment-là. Vous avez revu le même dossier. Je sais ce qu'il avait écrit. Et vous vous rappelez de la vision que vous avez eue à Libreville? Exactement. Comment vous retrouviez de votre dossier à main? J'ai seulement dit ça. C'est... Tu es émerveillé. J'ai fait comme ça. Je l'ai retiré. Salut mon dossier comme ça là. Pourquoi? Je suis sorti avec ça. J'ai fait ça à ma propriété personnelle, privée. J'ai enlevé, j'ai sorti ça du cadre de service. Malheureusement, même pour lui, on m'avait déjà mis. Et j'ai compris pendant mon séjour au ministère, parce que le même monsieur était déjà au ministère, il ne voulait pas me fixer. Parce que quand. Quelqu'un a fait un mauvais travail contre vous, et de vous voir élevé voilà. Par la suite. Il m'a vu au ministère, il ne veut pas me fixer, il me voit, il est pressé de s'en aller. Il ne savait pas comment j'avais dit. Parce qu'il savait quand même que si je fouille bien le bureau, là, je vais retrouver les choses qu'il a montées contre moi. J'ai pour retrouver. Bon, j'ai commencé le travail. J'ai fait ce travail. Et pendant tout mon séjour à ce poste-là, je n'ai connu que des succès et des succès. Et on va dire que la nation a été reconnaissante vis-à-vis de votre travail. Tout à fait. Je suis chevalier du mérite camerounais. Ah! La prophétie de l'homme de Dieu s'est véritablement accomplie. Effectivement, elle s'est accomplie. Quand il avait dit là où vous avez été humilié, c'est là où vous serez élevé. Je crois qu'elle s'est accomplie. J'étais non seulement nommé chef de service, mais aussi décoré comme chevalier du mérite camerounais. Alors aujourd'hui, votre famille, comment? Non, ma famille est confuse. Beaucoup de gens sont vraiment dans la confusion parce que, à un moment donné, dans le cadre de mes services, j'ai passé une interview comme dans le cadre de mon service. Ça passait à Radio Centre, CIA TV, sans publicité. Un grand cousin au village a suivi mon interview à la radio CRTV. Le type s'y travaille encore. Pour eux, c'était déjà fini. Il a pris la voiture du village. Il est venu jusqu'à Yaoundé. Il a demandé là où on se trouvait. Il est arrivé. Il n'en revenait pas. Il a demandé à me rencontrer. J'ai dit non. Enfant de Dieu, moi, je n'ai pas peur du sorcier. J'ai demandé au vigile de le faire entrer. Parce que le vigile est venu avec sa pièce d'identité me présenter. Ce papa voudrait vous rencontrer, patron. Faites-le venir. Il est venu, je lui ai demandé de s'asseoir. Il tremblait devant moi. Ah. Il me dit que je suis ta voix à la radio, Serge, chaque fois que l'émission de la poste passe. Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que tu as encore repris le travail? Moi, je ne savais même pas que tu étais rentré du Gabon. On sait que tu es un homme qui a perdu. Comme voici mon couple. Il ne savait pas que le Dieu du docteur Tchala Isomba. Il est merveilleux. Et ce qui se passe, ce grand cousin-là, moi j'ai amené son fils au Seigneur, il persévère là au ministère. J'ai amené son fils, mon neveu là au ministère, parce que mon neveu a compris. Il connaît ce que son père fait. Il connaît. Et lui-même, ce garçon-là est attaché à mon copse. Il est au Seigneur, je l'ai amené. Il est là. Alors, ancien Angoula, aujourd'hui, votre témoignage montre à suffisance que Dieu parle encore au travers de ses serviteurs et Dr Tchala Isomba, qui a prophétisé dans votre vie et ça s'est réalisé. Alors, plusieurs personnes aujourd'hui ne savent pas que Dieu est toujours capable de faire des choses merveilleuses dans leur vie. C'est peut-être l'occasion, ici ancien, de rappeler aux hommes ou aux femmes qui vont suivre ce témoignage que Dieu parle encore par ses serviteurs. Effectivement, Albert, Dieu parle encore par ses serviteurs. Et je crois qu'il parlera même encore davantage. Ce que je peux dire à ceux qui m'écoutent en ce moment, c'est qu'il faut donner sa vie au Seigneur. Il faut donner sa vie au Seigneur comme il dit quoi au Seigneur Jésus-Christ, tu sois sauvé, toi et ta famille. Si nous voulons vraiment avoir le salut, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai continué à dire on ne peut pas le faire seul sans avoir un conducteur. On ne peut pas le faire sans avoir un conducteur. Et vous voyez, je vous ai dit dans mon dans mes propos tout à l'heure là que à un moment donné j'ai un peu relâché entre 2007 et 2010 j'ai un peu relâché et ça a failli me créer d'énormes problèmes. C'est en ce moment là que les choses se sont agitées encore contre moi. Ouais, parce qu'il y a plusieurs personnes parfois qui abandonnent leur assemblée comme cela, c'est de tout effectivement. Vous abandonnez, Dieu également va vous abandonner. il faut y demeurer. C'est la persévérance, la continuité dans la persévérance, de manière même croissante. Jésus a même dit à cet effet que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Amen. Il faut le dissiper. C'est la persévérance. À côté de cette persévérance, moi, il y a ce qu'on appelle la fidélité à Dieu. La fidélité à Dieu, la fidélité à celui-là que Dieu a placé devant. Oui, parce que les gens ne savent pas souvent que cette fidélité à Dieu, c'est au travers de son cerveau. Tout à fait. Je ne vois pas Dieu, je vois mon père, le docteur, et son mari devant moi. C'est au travers de lui que je sers mon Dieu. Mais, Albert, souvenez-vous de la parole de Dieu à qui? À Josué. Il dit, Josué, serviteur de Moïse. Pas tu n'as pas dit, Josué, mon serviteur. Non. Josué n'était-il pas serviteur de Dieu? Si. Alors, il a d'abord dit, serviteur d'un homme, Moïse. Jésus, tu es seul. Je t'appelle parce que tu sers Moïse. Et je sais que ce Dieu-là m'a appelé parce que je sers le docteur et son mari. Amen. Voilà donc tout ce que je peux dire aux uns et aux autres. Restez fidèles à vos parents spirituels. Restez fidèles aux hommes que Dieu a établis, que Dieu a oint, pour que vous aussi vous soyez épanouis dans la vie. Là, on a retrouvé la verve de l'ancien qui n'a pas manqué, et j'espère vous, de vous envoyer ce message-là. C'est un témoignage qui est assez fort, qui édifie à plusieurs sens. Oui, le diable est capable, par ses œuvres, de déstabiliser la vie de plusieurs personnes. L'ancien Angoula, au cadre de l'administration, qui ne connaissait pas encore Dieu, a vu sa vie professionnelle être attaquée. Il s'est retrouvé au Gabon, il l'a dit tout au témoignage, en train de vendre des avocats. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été arraché dans votre vie et aujourd'hui vous vous retrouvez en train de mener une vie qui n'a rien à voir avec celle à laquelle le Seigneur vous a appelé. Pour lui, il a fallu la connexion avec un serviteur de Dieu, le docteur Tchadaï Souma. Il a cru à cet évangile et aujourd'hui encore, il sert ce serviteur de Dieu. Il sert Dieu au travers de ce serviteur. Et il n'a pas manqué de vous dire que c'est cela également la voie qui nous conduira tous à vivre tous les plans de Dieu dans notre vie. Ancien Angoula va vous remercier de ce que vous avez reçu ici dans votre domicile. Je voudrais, avant de conclure, vous ouvrir un pan de mon témoignage. Allez-y. Bon, j'avais vécu une situation à Libreville. Oui. Pendant que j'y étais, avec tous les zèles que j'avais déjà, que j'ai connu Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Je rentre du culte autour de 22, 23 heures. Bon, j'arrive chez moi. En ce moment-là, j'avais déjà acheté quand même un matelas. Oui. Un matelas, une éponge, quoi. Vous posez à même le soir. Voilà, je vais poser à même le soir, je me couche dessus. Je rentre donc tard dans la nuit. Je me couche, la Bible était posée à côté de moi, je me couche sur cette éponge. Alors, je ne savais pas que ce quartier-là est souvent victime de grandes inondations. Qu'est-ce qui va se passer, Albert? Il s'est mis à pleuvoir, moi j'étais déjà profondément endormi. Il s'est mis à pleuvoir. Je ne savais pas que mes autres voisins avaient déjà déménagé parce que eux, ils savaient, moi j'étais nouveau dans le quartier. Ouais. Et ils savaient ce qui se passe souvent quand il pleut dans ce quartier. Il a plu longtemps et abondamment. Au lieu que mon poids maintienne le matelas au sol, quand l'eau a commencé à pénétrer chez moi, le matelas nageait comme une pirogue. Et moi dessus, oui. Je dis que c'est formidable. Je ne sais pas, il me manque des mots pour expliquer ce qui m'était arrivé le jour. Le matelas était mouillé? Le matelas était mouillé, seulement la partie qui touchait l'eau là-bas. Moi, je n'étais pas mouillé. Vous submergez sur l'eau? Oui, j'ai commencé. Et quand je me réveille, je crois qu'il faisait quelque chose, 4 heures du matin comme ça. Je me réveille, je sens comme si j'ai les vertiges. Alors que c'est le matelas qui faisait des tours dans ma chambre, qui faisait des vertiges. Je me rends compte que, il y a quelque chose, je sens le bruit de la rue dehors. Qu'est-ce qui se passe? Et le courant, l'énergie électrique était déjà partie. J'envoie ma main comme ça, je touche de l'eau. Je vois que le plafond est plus rapproché de moi. Je dis, c'est quoi ça? C'est là où je me rends compte que je suis en train de nager. Pourquoi je peux nager dans l'eau? Le matelas devait être enfoncé avec mon poids. Effectivement. Dans l'eau. J'ai voulu paniquer, mais je me suis ressaisi. Et là, j'ai compris que ça, c'est la main de Dieu qui est sur moi. Effectivement. Je suis resté là tranquille, je voulais encore m'endormir. Je suis là, lui a cessé dehors. Et lui a commencé à descendre, descendre. Vers 5 heures là, je me rends compte que je suis déjà un peu plus en bas. Je descends dans le matelas. Lui était jusqu'au niveau de ma hanche. Lui était déjà jusqu'au niveau de ma hanche. Vous vous rendez compte? Et là, j'ai compris que je m'en protégeais. Et quand j'ai raconté ça à mes voisins, tout le monde avait eu peur de moi. Tu es dans quelle église? Vous étiez effectivement à la bonne, au bon endroit, comme vous avez dit, à milieu, à la au suite. Bon endroit. Voilà. Là où l'homme de Dieu m'avait laissé. C'était comme ça. Bon, je voulais que les uns et les autres comprennent. Si ce n'était pas la main de Dieu, je crois que je serais mort étouffé d'eau, asphyxié d'eau de pluie le jour-là. Je serais mort. Véritablement, la main de Dieu était sur vous. C'est elle qui vous a épargné de la prison, c'est elle également qui vous a gardé dans ces eaux-là et vous a fait submerger avec votre matelas. Alors, c'est la preuve que Dieu est capable de tout. Alors, Dieu parle aujourd'hui au travers de ses serviteurs et son serviteur est capable, par la parole, de déclencher un changement dans votre vie. Et cela ne commence que lorsque vous avez accepté Jésus-Christ. Et comme l'ancien Angoula, vous aussi qui avez suivi ce témoignage, sachez que si vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, qu'importe les circonstances ou les situations dans lesquelles vous pouvez, Dieu est capable de changer votre vie. Le temps des nations du ministère des rencontres internationales au niveau de Yaoundé se trouve à, bien sûr au quartier Van, ici, au Cameroun, mais également il existe au temps des nations du ministère des rencontres à Paris, à l'adresse 4 bis rue Harry Berson, 92600 Agnès-sur-Seine, au niveau de la France. Bien sûr, vous pouvez également visiter notre site au www.vimdv.org. Là-bas, les enseignements, les témoignages et même cette émission est disponible à ce niveau. Bon courage dans cette voie et je crois que le Seigneur réserve encore beaucoup de bonnes et merveilleuses choses dans votre vie. Amen. Merci de nous avoir suivis et continuez à visiter notre site www.vimdv.org. Votre témoignage en Christ, c'est bientôt. Au revoir. Say, for your love, I'm great. Oh, Jesus, you love me plenty. You came to die.